c'est en crise. Précaire mon style en temps de crise. Parfois mettre le temps s'épuise sans fois qu'un amour nous satise, sans même que la nuit ne cirise. Mes gestes frôlent la doublure, mes gestes frêles du veston piège, mes gestes freinent parfois des rames dans la doublure du maladroit. Les allergies comprimées, encore un autre. Tu me connais si, tu me connais si bien. Et tu ris, et moi j'avale enfin le comprimé. Mets tout ça sur moi.